Yann est déjà ouverte. On veut faire ça plus officiel et lancer la saison d'été avec vous tous. La Korrigan t'invite donc à célébrer l'ouverture officielle de sa terrasse toute verte au cœur du quartier Saint-Roch. Au menu, cocktails, bière, bouffe, musique live, atelier verdure, jeux pour petits et grands et de belles rencontres en vue. Samedi le 2 juin, dès midi, les enfants sont les bienvenus. Remis au lendemain en cas de pluie. La Korrigan, boire local, boire artisanal, boire au soleil. Du 22 mai au 8 juin, le Carrefour international de théâtre présente son parcours déambulatoire « Où tu vas quand tu dors en marchant ?» 10 spectacles d'ici et d'ailleurs, des créations en chantier et des activités passionnantes. Détails sur carrefourtheatre.qc.ca ou sur Facebook. Ce soir, à l'aérospatiale, une photographe chez les Ursulines de Québec, une exposition collective autodiffusée en juin et un aperçu des activités estivales en art visuel à Québec. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio consacré aux arts visuels à Québec sur les ondes de CKRL 89.1. Jean-Tienne La France avec vous à l'animation pour cette dernière émission de la saison. On passera beaucoup de monde en studio aujourd'hui avec des entrevues à plusieurs voix. Donc d'abord, on va recevoir Geneviève Thibault, photographe, Marie-Claire Tremblay, médiatrice culturelle et Nathalie Perron, coordonnatrice à la muséologie au pôle culturel du monastère des Ursulines de Québec. Donc on va parler de la fin de semaine qui est très très animée, qui va s'en venir au monastère et surtout de l'exposition Fixer l'éphémère qui va être présentée. En seconde moitié d'émission, ce sera avec Sarah Thibault, Annie-Charlotte Thibaudeau et Jean-Michel René que nous discuterons d'une exposition collective qui se prépare avec beaucoup d'artistes de la relève qui ont décidé de ne pas attendre après les réponses d'appels de dossiers pour montrer leur travail. Et enfin, nous prendrons un moment en fin d'émission pour aller de nos suggestions de sorties artistiques à faire au cours de l'été puisque c'est la dernière de la saison. C'est la dernière de la saison, mais c'est également la dernière saison pour Audrey Caro à l'animation. Donc, on va prendre un petit moment aussi à la fin de l'émission pour la remercier de son implication au sein de cette émission qui est l'aérospatiale. Pour l'instant, on va prendre une petite pause audio avec la sélection de Simon Roy, donc qui nous propose cette semaine Air 2, donc directement de Moscou via la magie du web. Donc, une musique tout en ambiance et tout en électronique, comme les habitudes de Simon nous le prouvent chaque semaine. Au retour de la pause, c'est l'entrevue sur le monastère des Ursulines. Thank you. Alors, j'ai avec moi en studio Geneviève Thibault, bonsoir. Allô. Marie-Claire Tremblay, bonsoir. Bonsoir. Et Nathalie Perron, bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est Marie-Claire Tremblay, en fait, qui m'a contactée pour parler de ce qui se passe en fin de semaine au monastère des Ursulines de Québec. C'est rare qu'on en parle ici à l'émission parce que, bon, c'est un lieu avec un musée qui est consacré à l'histoire, mais il y a aussi beaucoup d'art visuel dans ce lieu-là. Et particulièrement en fin de semaine, il va y avoir l'ouverture d'une toute nouvelle exposition de photographie que Geneviève Thibault a réalisée. Donc, Geneviève Thibault qui est photographe. Geneviève, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qu'on va retrouver globalement dans cette exposition-là qui se nomme « Fixer l'éphémère ». Oui, ben Fixer l'éphémère, c'est avant tout une série photographique qui est réalisée, qui est toujours en réalisation et qui est réalisée depuis l'été passé. C'est le fruit d'une rencontre, je pourrais dire. C'est le fruit de plusieurs séjours au monastère là, depuis l'été passé, que je visite les Ursulines, que je passe du temps avec elles. Ça s'est fait sur différentes saisons. C'était important pour moi aussi qu'on sente ce temps-là qui passe. Et, bon, fixer l'éphémère, c'est le titre, c'est un peu aussi... bon, c'est utopique. On fixe pas l'éphémère. On peut pas arrêter le temps. Mm-hmm. Mais la photographie nous donne cette impression-là de pouvoir capter des petits moments, capter le présent. Puis c'est un peu ça que je cherchais, que je souhaitais faire. L'exposition, c'est un mélange de photographies. Il y a aussi des captations sonores du quotidien. Oui, c'est ça. Il y a des témoignages audio des religieuses. C'est pas des témoignages, c'est vraiment des sons ambiants là. Mm-hmm. Je voulais enregistrer ce lieu là qui est habité quand même depuis 1642. Je voulais capter les sons des corridors, les craquements, les portes. Je voulais fixer ces bruits du quotidien avant le déménagement. Oui, c'est ça en fait, c'est que Marie-Claire Tremblay, tu lèves la main. Cet événement-là, en fin de semaine, est organisé pour inaugurer le pôle culturel, mais également le pôle culturel, ça signe également le départ des religieuses de ce lieu de vie-là. Pas tout à fait, mais quand même un petit peu, parce que, puis tu sais, tu mentionnais, Geneviève, ce mot-là, fixer, puis tu sais, oui, c'est quelque chose qui revient parce que les Ursulines vont quitter le monastère à l'automne prochain, mm-hmm. Donc c'est quelque chose qu'on sait depuis quoi, Nathalie? Depuis un an, en mai l'an dernier. C'est ça, exactement. À peu près. Donc, c'est de montrer justement qu'au niveau du legs culturel, ben c'est le pôle culturel qui prend cette relève-là. Donc, il y a vraiment un OBNL qui a été créé. C'est les religieuses, hein, Nathalie, qui ont réfléchi avec ça, avec des gens aussi du milieu de la culture, du patrimoine. Mm-hmm. Puis c'est la décision qui a été prise pour permettre à ce patrimoine-là de rester vivant. Hein? Exactement, exactement. Puis d'être aussi donné aux gens, au public, je pense, aussi beaucoup redonné. Absolument. Puis c'est un nouvel assemblage, si je peux dire, parce que le pôle culturel, c'est un pôle, ça comprend plusieurs secteurs. Plusieurs volets. Oui, c'est ça. Donc, les archives, il y a les collections, le musée, la médiation culturelle. Puis c'est vraiment cette idée-là de vivre ensemble, puis de faire des liens entre nous, puis de faire des activités en fait qui vont mettre en valeur un petit peu tout ça. Fait que, donc c'est un lancement officiel, c'est la première fois qu'on va se présenter un peu, qu'on va présenter un petit peu nos couleurs, puis on va littéralement présenter nos couleurs parce qu'on a fait une grosse démarche cet hiver avec la firme Cabane de recherche d'une image de marque. Donc on va dévoiler un beau logo, comme on dit. La signature visuelle du pôle culturel du monastère des Ursulines de Québec. Exactement. Donc, c'est vraiment un événement pour créer un momentum, pour faire fêter beaucoup de choses. Oui. Si... J'aimerais bien dire quelque chose au sujet justement de Geneviève, de ce projet-là qui nous est arrivé. En fait, c'est Geneviève qui a appelé au monastère, aux religieuses. C'était, quand ma, elle, c'était quand ma première, question. Quand elle a su que les religieuses allaient quitter, elle a appelé, elle a parlé à une religieuse du monastère qui l'a trouvé fort intéressant, qui nous a transmis son nom en nous disant « J'ai parlé à quelqu'un qui serait intéressé à faire un projet. » Nous, on a voulu la rencontrer, puis tout de suite, on a été séduits, hein, par le projet qu'elle nous a présenté, par sa façon de le présenter. On a senti qu'il y avait vraiment un momentum, qu'on allait pouvoir faire quelque chose qui allait marquer cette époque-là, parce que c'est une étape, là, au départ des Ursulines. Belle façon de le marquer de façon vraiment positive. Puis pour les sœurs aussi, je pense que ça a été une très belle expérience. Mm-hmm. Puis Geneviève, elle a su vraiment entrer en contact, a créé vraiment des contacts privilégiés avec les religieuses. Au départ, ça devait peut-être pas être aussi intime comme projet, mais plus les jours ont passé, plus les rencontres de Geneviève ont... Plus de fois elle est venue, plus ça s'est encore raffiné, puis elle a pu vraiment assister à des moments, je pense. Je pense que pour toi, ça a été une expérience aussi importante, humaine. Il y a des liens qui se sont tissés, puis ça s'est fait graduellement, puis elles m'ont vraiment ouvert leurs portes. Puis c'est une expérience, c'est quelque chose... Parce qu'il y a seulement que les religieuses qui peuvent vivre ça. T'as vécu, en quelque sorte, la vie qu'une religieuse peut avoir vécue. T'as été témoin de la vie religieuse au plus profond du quotidien de ces dames-là. Oui, de visiter aussi d'entrer dans leur chambre, leur petite chambre personnelle, de découvrir leur personnalité aussi, parce que dans la chambre, c'est là qu'on voit, les décorations sont différentes d'une chambre à l'autre. Mm-hmm. Puis là, les discussions aussi qui s'en suivaient, il y a une relation qui s'établissait. Puis ça, c'est certain, moi, je m'imprègne de tout ça. C'est sûr que ça teinte mon projet, l'expérience que je vis, puis ça teinte les images au bout du compte, là. C'est certain, là. Puis c'est trippant pour le pôle, tout ça, parce que ça nous met, j'ai envie de dire en bon français, ça nous ground au 21e siècle, en 2018, parce que, tu sais, dans le musée, Nathalie, t'es d'accord avec moi, tu sais, on parle beaucoup d'histoire, on a parlé, c'est ça, du passé, puis là, vraiment, on s'inscrit, on présente une exposition en art actuel, on présente les Ursulines aujourd'hui, puis t'as des photos extraordinaires de ça, de cette rencontre-là entre la religieuse, qu'on a comme un stéréotype, peut-être, on a une vision un peu passéiste de la religieuse. Puis là, tu as des photographies dans lesquelles il y a une rencontre, il y a un gros clash là, avec l'actualité, en fait. Est-ce que tu peux nous nommer des exemples, par exemple, de ce clash-là qu'on peut vivre en voyant ces images-là? Je veux pas voler de punch, mais il y en a une extraordinaire. C'est une religieuse qui regarde la télévision. Est-ce que je peux le dire? Oui, on peut. Elle écoute un match de hockey. Elles sont deux. Donc, tu sais, tu penses pas ça. Tu penses pas que les religieuses vont écouter le hockey, mais oui. Puis, tu sais, se promener en voiture. Tu sais, tout ça, tu sais. Bon, nous, les employés, on les côtoie un petit peu, les religieuses. Fait qu'on voit ce côté-là, mais pas le grand public. Puis je pense que dans le musée des Ursulines, qu'on appelle plus le musée des Ursulines, d'ailleurs, qu'on appelle le musée du pôle culturel, désormais, c'est rafraîchissant. Ça nous présente, ça nous montre que on va mettre en valeur les artefacts, les objets qu'on a. Oui, on va parler du passé, mais pas uniquement. On va les gronder dans le présent. C'est ce que je pense. C'est la première expérience comme ça qu'on va avoir fait comme pôle. Mm-hmm. Je pense que ça va teinter tout ce qu'on va faire par la suite, cette expérience. On a envie d'en faire d'autres. C'est ça. Puis on a envie d'aller dans cette direction-là, je pense, sans m'avancer, mais je pense que c'est marquant, cette expérience-là. Pendant le projet, je dois dire aussi que là, tu parles de photographier le présent, puis c'était l'idée de base aussi, au départ, de photographier la vie contemporaine, la vie d'aujourd'hui, mais dans un lieu qui date d'aussi loin que 1642, à un moment donné, c'est un lieu patrimonial, l'architecture, les époques qui se côtoient. Il a fallu que je me parle à plusieurs reprises, que je me rappelle que j'étais ici pour prendre le présent, mais j'étais souvent attirée. Ça aurait pu prendre différentes directions, finalement. Oui. Il y aurait pu avoir 50, 100 projets différents faits dans ce lieu-là, tellement qu'il y a une richesse. Je pense qu'il a fallu que je focus à un moment donné. Oui, et quelle direction a prise ton projet par rapport à l'expérience que tu as vécue de ces différentes rencontres-là? Tu disais tout à l'heure que l'esthétique que tu as adoptée a été teintée de ces rencontres-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quelle manière cette esthétique-là s'est développée au fil des rencontres? C'est une excellente question. Il y a quelque chose de sensible, ça se peut-tu? Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose de sensible. Je pense que... Dans la contemplation, peut-être? Mais moi, je n'ai vu que quelques images, là, puis je pense à ces religieuses qui veulent pas, oui, elles regardent la télé, elles regardent le hockey, mais elles ont quand même voué leur vie à Dieu. Elles ont prié, elles ont vécu ces moments de méditation, de contemplation. Est-ce que tu crois, Geneviève Thibault, qu'il y a quelque chose de ça qui transparaît dans l'esthétique qui s'est développée au cours de ton projet? Oui, c'est sûr qu'il y a un rythme aussi qui s'est imposé, une espèce de rythme lent. Quelque chose de pas forcer les choses, d'attendre de laisser les choses venir. Puis si au départ je tentais parfois de faire que les choses arrivent, puis à un moment donné j'ai lâché prise, puis j'ai laissé finalement tout ça venir là naturellement. Puis ça s'est fait différemment, je dirais aussi, avec chacune des religieuses. C'est pas une méthode qu'on peut... C'est pas quelque chose, finalement, qu'on peut appliquer fois le nombre de personnes. Tu sais, je me suis adaptée vraiment. Je pense que c'est une de mes forces. Je suis pas une très grande technicienne. J'ai pas des recettes d'éclairage hallucinantes, là. C'est pas ça, moi, ma force. Moi, c'est vraiment, je pense, d'être à l'écoute, puis de me laisser guider, finalement. Mais tu t'intéresses à l'humain? Aussi, tu nous parlais de tes études hors d'onde aussi, tu sais, ça doit teinter comment tu abordes ton sujet aussi. Oui, c'est ça. Ben, dans plusieurs de mes projets, là, je me présente à l'improviste chez les gens. J'aime créer ces moments-là, puis cogner aux portes. Vraiment, là, c'est ce qui m'intéresse, puis c'est au centre de ma pratique, là. Donc, ce moment de rencontre, comme le moment où tu as décidé d'appeler au monastère, qu'est-ce qui t'a amené à faire cet appel-là, à offrir tes services d'artiste et photographe et ethnologue au monastère des Ursulines de Québec? C'était tellement spontané, là. C'est quelque chose... Moi, je lisais les nouvelles, puis j'apprenais cette nouvelle-là du déménagement et tout, puis ça m'a touchée. Puis ça m'a touchée aussi de quand... Je ne le savais pas qu'elle habitait encore ce lieu-là. Puis, elles sont arrivées au début de la colonisation quand même, là. C'est pas rien. Puis ces femmes-là ont joué un rôle vraiment important. Major. Pour notre culture, pour l'éducation. Puis j'ai fait des recherches et tout. Puis je cherchais aussi... Je voulais en savoir plus. Puis je cherchais un peu partout sur le web. J'étais sur le site de l'ONF. Essayer de trouver des documentaires, des projets photographiques. C'est ça. Puis... finalement, je trouvais pas vraiment des livres, oui. Mais visuellement là, il y avait pas vraiment de projet. Puis faut dire que on est dans le moment présent, dans l'actualité, on est dans un siècle nouveau, mais un appareil photo, ça rentre très très rarement dans un monastère. Faut dire, ça a été quand même, c'est des lieux qui ont été cloîtrés longtemps. Oui, là, jusqu'en 1965, jusqu'à Vatican II. Puis tu sais, nous, quand on a fait notre démarche justement d'image de marque, tu sais, on a discuté sur comment on voyait les Ursulines, puis qu'est-ce qu'elles sont, les Ursulines, puis tu sais, c'est des personnes discrètes. Et ça fait partie de leur personnalité. Ça fait partie aussi de ce en quoi elles croient. Et ce sont une communauté. Elles ont toujours vécu en communauté. Derrière le groupe. Hein. Exactement. Tu sais, c'est le groupe qui compte et non l'individu. Donc là, on va loin justement dans ta pratique photographique. C'est quelque chose de faut que les gens réalisent ça. C'est déstabilisant pour elles parce que tu les as photographiées comme individus. Tu les mets un petit peu en lumière, ce qui est une chose très très rare. Mais on peut dire par contre que elles ont vu quand même une bonne proportion des photos que tu as prises, hein? Puis les réactions étaient très très bonnes. Hein? Puis je pense que c'est ça. Elles ont accepté tout ça aussi parce qu'il y avait ce momentum-là, parce que c'est quand même déchirant pour elles de quitter le monastère. Il faut penser qu'elles ont passé souvent toute leur vie, presque. Fait que c'est quelque chose qu'elles vivent comme une grande, peut-être, épreuve de leur vie. Pourtant, En tout cas, moi, celle à qui j'ai parlé, elle le vit positivement, mais reste que ces traces-là qu'elle laisse pour elle, j'ai l'impression que ça les aide justement à passer cette étape-là. Donc, elle souligne aussi ce départ-là d'une manière comme nouvelle avec toi, puis j'ai l'impression que c'est tout ce momentum-là qui fait qu'on a accès à ces choses, à cette exposition-là d'exception, vraiment. Oui. Puis il fallait que chaque sœur accepte. Hein, ouais. Alors, il y avait quelque chose d'écrit, là. Oui, plus, vraiment, oui. Parce qu'il fallait qu'elles avaient la liberté de ne pas le faire. Alors, c'était vraiment presque à 100%. Alors, c'est ça qui est merveilleux aussi. Là, donc, une immersion dans du jamais vu, dans du jamais documenté, hein, cette intimité des religieuses ursulines. Puis là, le temps file, l'entrevue se laisse couler comme le fleuve. Mais... j'aimerais ça aussi entendre parler de quelles seront les activités qui vont avoir lieu en fin de semaine pour le lancement du pôle culturel du monastère des Ursulines de Québec. Oui, Marie. Peut-être parler de la, qu'il y a une autre exposition aussi qui est dans le musée. Bien sûr, il y a l'exposition permanente qui est toujours là, qui s'appelle l'Académie des Demoiselles, qui est sur l'histoire de l'enseignement, de la pratique de l'enseignement des Ursulines, surtout au 19e siècle. Mais il y a également une nouvelle exposition qu'on ouvre qui s'appelle Broder comme une Ursuline. Quand l'encre guide le fil, alors c'est une... bien sûr, il y a toujours eu à peu près des broderies exposées aux Ursulines. Les parements d'hôtel sont très connus. Mais il y a une découverte qui a été réalisée au monastère il y a environ un an et demi. On a découvert les patrons anciens du 17e, du 18e siècle, du 19e siècle, avec lesquels les religieuses ont fait les broderies. Donc, la trace de l'encre sur le papier. Vraiment, alors c'est vraiment des documents extraordinaires. Il y a une expertise qui a été faite au Centre de conservation du Québec quand on a découvert ça. C'est vraiment une grande découverte. C'est vraiment une grande découverte pour l'histoire de l'art. Alors, on est certain que ces œuvres-là ont été faites ici. Ça amène beaucoup de... Une meilleure compréhension, peut-être, des techniques utilisées par les religieuses. Alors, on expose donc des pièces en compagnie de leur patron. Alors, c'est vraiment la première fois que c'est possible de voir ça. Il y a peu de monde à date, là. Il y a à peu près 10-12 personnes qui ont vu les patrons. Alors, c'est vraiment... Puis ce qui est fou, c'est que cette expo-là, c'est gratuit pendant tout l'été, hein, c'est ça, Nathalie? Puis en fait, en fin de semaine, pendant Dialogue, c'est bien spécial parce que, toutes les expositions au musée sont accessibles gratuitement. Donc ça arrive pas souvent, ça se passe en fin de semaine. Et en plus, pendant l'événement, notre fameuse ouverture officielle, Dialogue, ça s'appelle Dialogue avec les Ursulines. Oui. Donc il y a plein d'activités. On est victime de notre succès pour ce qui est des visites. Par contre, le samedi, on avait uniquement des visites guidées, puis ça c'est complet. Mais faut absolument venir faire un tour pour voir les expositions, c'est certain. Mais le dimanche, il y a un parcours de lecture, entre autres, qui a lieu dans le musée. Donc, il y a une résonance entre les expositions qu'on va voir et divers textes issus de la littérature québécoise par des comédiens professionnels. Il y a une exposition de travaux pour enfants qui ont été faits à partir de l'idée des patrons. Donc, fait par les élèves de l'école? De l'école, oui, de l'école des Ursulines, absolument. Il y a deux concerts à la chapelle et là, il y a encore des places. Et ça vaut la peine parce que c'est très rare qu'il y ait des concerts dans la chapelle. Des Ursulines. Un lieu vraiment magique aussi, absolument, la chapelle des Ursulines. Absolument, oui. Morceau important de l'histoire de l'art au Québec. Vraiment. Peut-être parler des motets, le concert où on va entendre des motets qui sont dans les premières œuvres qui ont été composées. Ça, c'est du patrimoine musical. En Nouvelle-France. Oui, patrimoine musical, on le découvre parce qu'on a une conférence par une spécialiste et ensuite on l'entend. C'est assez merveilleux quand même. Et on finit cette belle journée avec une surprise du Château Frontenac. Donc, on invite les gens, c'est vraiment sympathique, à manger un petit morceau de gâteau avec nous. Donc, dans les jardins des Ursulines. Tout ça, c'est gratuit. Pour ce qui est des concerts dans la chapelle, il faut faire une réservation absolument. Donc, le mot-clé, c'est notre page web pôleculturel-des-ursulines.ca. Il est aussi possible de réserver au téléphone en composant le, c'est dommage à dire, mais je vais le dire quand même, oui, 418-255-1639. 1639, comme l'année à laquelle les Ursulines 1639, sont arrivées. C'est ça, exact. L'arrivée des Ursulines et des Augustines en Nouvelle-France. Voilà, ensemble sur ce beau fleuve. Oui. beaucoup d'activités. Et je reviendrai à toi, Geneviève Thibault, photographe. Donc, cette rencontre-là, ces rencontres-là avec les Ursulines, ton permis de découvrir. Qu'est-ce qui t'a étonné le plus dans la vie quotidienne de ces religieuses-là? Je dirais ce qui m'a étonnée le plus, premièrement, ben c'est sûr il y avait les époques hein, qui cohabitaient là, Internet, Facebook, tout oui, ça là, dans un vieux bâtiment dans du un monastère, siècle. C'est oui. ça, hein, les portes de chambre sont minuscules, c'est tout petit parce que là c'est une construction de cette époque là, mais d'un autre côté ben on a dans la chambre c'est ça, il y a des choses bien d'aujourd'hui là, de l'époque contemporaine, donc le mélange des époques j'ai trouvé ça surprenant. Puis après ça, ce qui m'a surpris aussi, je dirais, c'est vraiment quand j'ai découvert chacune des personnes, de découvrir par exemple sœur Louise, hein, l'artiste, qui est vraiment une grande artiste, ses tableaux, ses aquarelles, de découvrir comme ça que elle toute sa vie elle a peint, que chacune en fait avec une pouvait être cuisinière, l'autre était enseignante. Oui, donc sous le couvert de cette image de communauté, chacune des religieuses a développé une individualité malgré tout. Là. C'est ça, oui, c'est ouais. ça. Puis ça, j'ai aimé découvrir ça, cet aspect-là, là, plus personnel, je dirais. Ouais, ouais. Donc, le côté plus personnalisé, plus individualisé des religieuses. Et Nathalie Perron, qu'est-ce qui t'a surpris dans cette exposition-là, là, juste pour nous donner un peu envie d'aller la voir, l'exposition de Geneviève Thibault? Moi, à toutes les fois que je vois une photo de Geneviève depuis le début du projet, je dis toujours « Ah, ça, c'est la plus belle. » Là, elle en fait une autre, puis je dis encore « C'est la plus belle. » Mais moi, depuis le début, je dis toujours que tes photos sont comme bleues, un petit bleu doux. Je sais pas, on sent une grande plénitude, du calme, puis une grande... C'est comme si aussi Geneviève, à travers ses photos, elle nous donnait accès à l'intimité de personnes, mais toujours dans la délicatesse, là. Oui. C'est comme si on... On devenait très près des religieuses en regardant ces images-là. Tu sais, c'est pas des photos que tu te dis, quelqu'un a pris ça avec un détachement. On sent tout son amour, son respect. Puis c'est drôle parce que la photographie qui présente Dialogue, elle s'est elle-même peinte, photographiée dans le même décor. Puis je trouve que ça représente bien ce qu'elle a. Parce qu'elle sait, on sent Geneviève. Ton implication. Puis on sourit. Ah, wow. C'est donc, gentil. Merci beaucoup d'être venu en studio nous parler de cette belle exposition Fixer l'éphémère qui va être présentée au pôle culturel du monastère des Ursulines de Québec en fin de semaine. Et nous, on va prendre la publicité, la pause publicitaire et au retour, je reçois encore des artistes en entrevue. Merci. 89. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les partout. Disponible pour Android et iPhone. Le Festival d'été de Québec, du 5 au 15 juillet, vous propose vos artistes favoris, ceux que vous entendez sur nos ondes. Maude Audet, Patrice Michaud, Pierre-Hervé Goulet, Ponctuation, À la claire ensemble, Angel Forest, Danny Placard, Lou Adrian Cassidy, Matt Oluboski et The Joannes. Découvrez toute la programmation au infofestival.com. Dernière chance d'acheter votre laissez-passer au coût de 100 $, 110 $ à partir du 5 juin. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Coors Light. Alors, pour cette deuxième moitié d'émission de l'aérospatiale, je reçois en studio Annie-Charlotte Thibaudeau. Bonsoir. Bonsoir. Sarah Thibault. Bonsoir. Et Jean-Michel René, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous faites partie d'un collectif qui s'est formé ad hoc, qui organise une exposition au mois de juin, c'est ça? Oui. Oui. Effectivement. En fait, c'est une petite exposition estivale. Donc, cette exposition-là s'appelle « Sortie de pièce ». Annie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que ça signifie, le titre de l'expo? Ben oui. Oui, en fait, ça donne un petit peu le ton du motif qui est derrière ce projet-là. C'est-à-dire que c'est un projet d'autodiffusion où on a choisi de se réunir, ces 9 artistes-là qui font partie du projet, pour justement sortir des pièces de l'atelier. Puis c'est différent pour chacun des artistes. Dans certains cas, c'est l'occasion de présenter un travail qui a pris forme récemment. Pour d'autres, ça va être de représenter un travail antérieur, de le repenser pour celui-là. Puis pour d'autres, ça va être un lieu aussi pour expérimenter. Donc, on sort les pièces de l'atelier. Un groupe de 9 artistes. Est-ce que les 9 artistes ont eu cette idée-là en même temps? D'où est venue l'idée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a comme interpellé les autres? Oui, je pense que ben en fait ça c'est de bouche à oreille. Il y a des invitations qui se sont lancées, des appels, puis en fait il y a eu une réponse assez commune. Je dirais que c'est vraiment ça s'est fait un peu naturellement. C'est comme à force de rencontres, je pense, dans des événements, des choses comme ça. Puis... Ça a le même caractère, c'est ça, que l'exposition. Autant le rassemblement des artistes que l'exposition en soi, c'est tout dans un esprit de spontanéité. Là. Ça s'est fait assez naturellement puis assez rapidement. Oui, c'est ça. Ça a vraiment été rapide. Là. Il s'est passé comme quelques jours entre envoi d'invitation, on en discute un petit peu, puis on confirme toute notre présence puis notre intérêt pour le projet. Donc, qui seront les artistes qui vont être présents? Il y a vous trois, donc Jean-Michel René, Sarah Thibault et Annie-Charlotte Thibaudeau. Mais les autres artistes, ce sont qui? C'est des artistes de la Relève de Québec. Oui, oui. Puis, en fait, je peux les nommer. Julie Bellavance, autre aussi que ceux ici qui sont présents. Il y a Delphine Gasbar, Vincent Fournier, Pascal Leblanc-Lavigne, Nathalie Leblanc, Olivier Dessert. Donc, à entendre ces noms-là, moi, j'entends des pratiques qui sont très hétérogènes. Donc, on a des pratiques en sculpture, en peinture, en installation, en vidéo, peut-être en son. Comment avez-vous fait pour réfléchir la cohabitation-là de ces œuvres-là dans cette exposition-là? Mais il y a ça, en fait, qui est intéressant de ce projet-là, assez spontané, d'autodiffusion, c'est toute la liberté de la formule. Donc, on peut se permettre de mettre en dialogue, en fait, des pratiques qui sont tout à fait différentes, comme tu venais de le mentionner. Mais je pense que ça va beaucoup être dans un travail de l'espace. Puis c'est ce qui fait, en fait, qu'on prend possession du local assez tôt, puis on va prendre le temps, en fait, de l'habiter tous ensemble, puis de créer une cohésion, mais beaucoup dans le parcours puis dans l'espace. Et ce local-là, c'est l'ancien local de la chocolaterie Champagne. Oui. On est loin du cube blanc de la galerie ou du musée traditionnel. Mmh. Si je me souviens bien, on a des plafonds du 19e siècle. Est-ce qu'il va y avoir aussi des œuvres qui vont être installées dans l'ancienne cuisine? Comment ça va se faire, cette occupation-là des lieux? Oui, Jean-Michel? Oui, je dirais que c'est un local qui est assez épuré. Là. C'est plus ce que c'était avant. C'est vraiment plus pour l'idée de situer aussi les gens par rapport à ce local-là. Puis c'est un espace qui est très épuré, là, je dirais. Donc, les décorations aztèques ont pris le bord. Oui, oui, oui. Mais il y a quand même des trucs super intéressants avec le local qui sont demeurés, comme des conduits de ventilation, de la tuyauterie qu'on va pouvoir utiliser. Oui, là. Donc on soupçonne qu'il y a des œuvres d'art aussi qui vont profiter des particularités du lieu. Oui, tout à fait. On te donnait quand même une bonne marge de manœuvre au niveau du montage, puis aussi pour permettre justement de la poursuite du dialogue, parce que je dirais que c'est un projet qui s'est créé assez rapidement, mais qui est comme en perpétuelle évolution, puis je pense qu'il va l'être jusqu'à la fin. C'est vraiment un peu c'est une petite expo d'été estivale qui est là pour... On est là pour avoir du fun, puis réfléchir ensemble. Fait que c'est vraiment avec légèreté, comme on a dit un peu plus tôt, puis spontanéité. Là. Et puis, donc, vous prenez possession du local avant l'exposition, donc pour se laisser le temps de le faire un peu à la manière d'une résidence, en quelque sorte. Oui, parce qu'il y aura quand même une bonne semaine où tout le monde va habiter cet espace-là. Tout le monde va prendre le temps de s'installer avec des horaires qui vont être un petit peu variés. Mais oui, on peut le voir de cette façon-là. C'est là que tout va vraiment prendre forme. Il n'y a rien de complètement rigide jusqu'à présent. Puis, en plus, tout se fait vraiment rapidement, là, comme Sarah le mentionnait tout à l'heure, tant dans l'approche des différents artistes puis la réponse de ceux-là, mais aussi entre la première rencontre puis le vernissage, il s'écoule à peu près en bout de ligne autour d'un mois et demi. Là, donc, ça se fait assez rapidement. Donc, il va y avoir de cette courte période-là quand même une bonne partie qui est allouée à la période de montage. Mm-hmm. Et, bon, je vous ai toutes les trois en studio en ce moment. Là, est-ce que je peux avoir des petits secrets sur qu'est-ce qu'on va retrouver de vos œuvres? Qu'est-ce que vous allez sortir comme œuvre de vos ateliers, Annie, d'abord? Oui, ben en fait, pour moi, ça va être l'occasion de repenser en fait des projets que j'ai présentés tout récemment là dans mes dernières expositions individuelles, mais de les repenser justement là en faisant écho à ce lieu-là. Tu parlais des particularités là de l'espace, donc c'est ce qui va servir beaucoup à ma mise en espace justement dans le lieu puis à la façon de repenser les projets. Et Sarah Thibault, peux-tu nous donner des secrets un peu? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Ça va être du neuf, ça c'est certain. Donc je vais continuer mon travail de travailler avec la scénographie de l'espace, puis créer une scéno d'installation qui fonctionne plutôt avec la symétrie puis l'élévation. Donc, c'est encore vers ça que je m'enligne. Ça risque d'être présenté davantage à l'entrée là, du local. Donc, on va pouvoir le voir de la rue. Ah, ben c'est tout le temps un peu voyant ce que je fais. Hein? et Jean-Michel René, qu'est-ce que tu vas nous présenter dans cette exposition-là pour nous donner un aperçu? Oui, ben moi, je pense que je vais faire des expérimentations. Ben, en fait, dans mes derniers projets, j'ai beaucoup travaillé sur un peu à construire une sorte de lexique ou des regrouper un peu des thématiques ou des objets qui allaient me servir dans les prochains projets. Puis je dirais que là, je pense que ça va être une belle occasion pour moi d'en générer des nouvelles. Des nouveaux aspects, des nouvelles choses. Puis je pense que je vais travailler beaucoup la couleur aussi dans cette exposition-là. Intéressant. Donc, on a des petits aperçus qui nous donnent un avant-goût de ce qui va se passer. Donc, on sait que c'est dans l'ancien local de la chocolaterie Champagne. Et ça va se passer quand, cette exposition-là? Le vernissage, ça va être le 15 juin, puis ça va être suivi d'une soirée festive. Fait qu'on invite toute la communauté artistique et autres à venir célébrer avec nous un peu le début de l'été, puis à venir danser. Puis aussi, j'aimerais préciser qu'il va y avoir une soirée discussion finissage le 20 juin. À peu près à 18h jusqu'à 21h. Cette soirée de discussion, est-ce que c'est comme tous les artistes qui sont présents dans l'exposition qui vont être amenés à partager? Oui, ça va être en formule table ronde, en fait. OK. Ouais. Bien, merci beaucoup, Jean-Michel René. Merci, Sarah Thibault. Et merci, Annie Charland-Thibaudeau. Nous, on va prendre une pause audio. Et au retour, Annie, reste avec moi. On a une surprise pour vous, chers auditeurs. Alors, c'était encore une pièce de Air 2, toujours suggérée par Simon Roy. C'était Cartus. Et on voulait prendre un moment en fin d'émission, comme ça, en fin de saison. J'ai gardé Annie Charland-Thibaudeau avec moi parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, chers auditeurs, chères auditrices, Audrey Caro quitte le rôle d'animatrice à cette émission-là. Oui. Et j'avais le goût qu'on lui rende un petit hommage, qu'on la remercie pour sa contribution qui a été d'une grande force au cours des trois dernières années. Donc, j'ai demandé aux collaborateurs, collaboratrices de nous envoyer des petits mots. Et Annie et moi, on va lire les mots comme ça dans le désordre des messages que nous avons reçus dans les derniers jours. Donc, on va commencer avec un message de Sarah Bélanger-Martel qui avait occupé le poste à l'intérim l'an dernier lors de du congé de grossesse d'Audrey Caro. Donc, vas-y Annie, oui. Tu peux nous lire le message de Sarah Bélanger-Martel. Oui, Sarah est allée en formule libre avec une acrostiche. Un acrostiche, en fait, donc pour le prénom d'Audrey, avec la lettre A, on a « amoureuse de belles choses à se mettre dans les yeux ». Pour U, unanimement professionnelle et rigoureuse. Pour D, drôlement perspicace et vive d'esprit. R, pour respectueuse de la diversité et de la richesse des pratiques. E, pour éveilleuse de curiosité et de passion. Et Y pour Y pour la belle contribution, Youpi pour la suite des choses. Et Fanny Ménard nous a transmis ce petit mot. Donc, merci Audrey pour ton dynamisme, ton jovialisme et ta grande générosité. Je souhaite t'entendre à nouveau en ondes un tout bientôt. Belle continuation dans tes projets avec deux petits bisous. Du côté de Fanny Ménard, on a Suzy Dufour. Donc le mot c'est merci Audrey pour ta passion et ton dévouement pour les arts visuels, particulièrement ton engagement envers l'art actuel de la belle ville de Québec. Merci d'avoir partagé ta passion aux auditeurs avec toujours autant de bonne humeur et de dynamisme. Et Marie-Claire Tremblay qui vient de nous quitter dit merci Audrey pour toutes ces belles émissions. Ce fut vraiment un plaisir de discuter avec toi en ondes. Tu avais le don de nous mettre en confiance et à l'aise. Ta curiosité et ta passion pour tes sujets se faisaient toujours sentir dans ta voix. Je me souviendrai aussi de ton grand dynamisme radiophonique, ta bonne écoute et cette attitude de pro qui te faisait briller. Bonne chance dans tes nouveaux projets. Amitié. Du côté de Louane Bourdeau, on dit merci Audrey pour ton enthousiasme, ton ouverture et ton engagement pour les arts. Tu as été et tu resteras, j'en suis certaine, une fantastique ambassadrice pour la scène culturelle. Tu as su faire rayonner à chaque émission tes chroniqueurs et tes invités avec un professionnalisme imbattable et un intérêt sincère. Merci pour tout. Et Anne-Sophie Omer qui souligne d'emblée « Sans Audrey, je ne serais pas à Québec ». Ça, c'est une autre histoire. Wow. C'est une grande professionnelle, vraiment passionnée, qui donne le goût d'aiguiser sa curiosité. C'était un vrai plaisir d'échanger avec elle lors des émissions. Je lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs. Et on a aussi Lauriane Thibaudeau qui dit « J'aimerais qu'on souligne sa grande curiosité. Décidément, Audrey a un beau respect pour le travail des autres et démontre toujours une ouverture d'esprit remarquable. C'est un plaisir de travailler avec elle. Merci pour tout. » Fanny et non Lévy qui a cessé de collaborer avec l'émission mais qui est toujours avec nous, donc qui vous avez fait une super belle équipe avec Audrey, dynamique, curieuse, avec un regard aiguisé porté sur le milieu artistique de Québec et au-delà. On se souviendra d'Audrey pour son professionnalisme et son côté pétillant. Bravo pour ces années à l'aérospatiale. Et finalement, on a Julien Saint-Georges Tremblay qui dit « Merci Audrey d'avoir insufflé autant d'énergie à chaque fois que tu t'assoyais dans le studio. Merci pour ton écoute, ta passion et ta pertinence qui transparaissaient dans chaque question posée, à chacun de tes commentaires ajoutés. C'était amusant, c'était stimulant et inspirant de faire de la radio avec toi Audrey. Mille bravo pour ces belles saisons. À bientôt. » Donc, puis maintenant je prends ma propre voix, donc Jean-Tienne La France. C'est avec une... Puis là, je sens monter l'émotion. Donc, c'est avec une profonde reconnaissance que je remercie Audrey, qui a animé l'émission avec moi et sans moi au cours des trois dernières années. Audrey, ton enthousiasme contagieux, ton engagement profond, ta créativité débordante, ta rigueur facilitante et ta capacité à faire face à l'imprévu, pour ne nommer que, m'ont inspirée et vont continuer à le faire dans cette émission pour encore longtemps. Oui, puis pour ma part, en fait, on a beaucoup souligné le dynamisme d'Audrey, la curiosité d'Audrey, mais je dirais qu'aussi Audrey, c'est beaucoup un amour incroyable de la scène des arts visuels, puis c'est un amour qui est extrêmement contagieux. Donc moi, c'est ce que je retiens beaucoup d'elle. Donc, on va prendre une petite pause audio et au retour, je vous fais des petites suggestions de sorties en art pour l'été. Alors, je vais vous faire un petit agenda de la semaine et plusieurs suggestions de sorties pour l'été. On va y aller rondement. Mais cette semaine, il ne faut pas oublier Post, qui est l'événement de Folliculture, donc qui va avoir lieu toute la semaine. Je vous invite à aller sur le site Internet de Folliculture pour avoir plus d'informations. N'oubliez pas de passer à la salle d'exposition du pavillon Desjardins de l'Université Laval pour voir l'exposition Exploration Dessin. Également à la bibliothèque Étienne Parent à Beauport pour voir l'exposition de Jérôme Trudel d'ici dimanche. Gabriel Bélanger, l'exposition Nuit se termine à Pêche Sherpa dimanche également. Et la fameuse exposition définissant du baccalauréat en arts visuels de l'Université Laval au troisième étage de l'École d'art, donc jusqu'à dimanche aussi. Pour cet été, donc j'ai retenu quelques événements à ne pas manquer. D'abord, il y a la foire en art actuel qui s'en vient, qui a changé de plage, donc qui est au printemps maintenant. Ça va avoir lieu cette année à la Chapelle des Jésuites de Québec, donc c'est assez intriguant. C'est du 31 mai au 3 juin et le commissaire invité cette année, c'est Marc-Antoine Kafaneuf, qui a fait une sélection d'une vingtaine d'artistes à la fois de Québec, de Montréal, mais également de différentes régions. Donc, ça va être une belle édition, j'ai l'impression, cette année de la foire. Il y a également deux expositions à ne pas manquer cet été au Musée national des beaux-arts du Québec. L'exposition « Fait main, handmade » qui va avoir lieu du 14 juin au 3 septembre et Berthe Morisot, « Femme impressionniste », donc cette grande artiste impressionniste que nous pourrons découvrir avec des touches transparentes, toujours très séduisantes. Et de l'autre côté du fleuve, au Centre Regard, à partir du 6 juillet, il va y avoir une très grande expo, donc avec Patrick Crouse, qui est un artiste de Toronto, qui va exposer dans la galerie, et les artistes de Québec, Georgia Volpe et Wartin Pantois, qui vont offrir des installations à l'extérieur des murs. C'est une exposition qui promet à partir du 6 juillet. Et il y a aussi aussi à la Société d'art et d'histoire de Beauport qui célèbre en passant cette année son 35e anniversaire. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Moi, je vous invite à aller voir sur leur site, mais il va y avoir entre autres une exposition estivale qui se nomme « Entre l'ordre et le chaos » qui présente une rétrospective de l'art de René Taillefer. Donc, c'est à la Maison Tessier d'Île-la-Plante du 9 juin au 28 août. Également, l'artiste multidisciplinaire Laurence Grandbois-Bernard a réalisé une projection extérieure pour les murs de la Maison Gérardin. Donc, ça va être présenté les 23, 30 juin et le 14 juillet, dès la tombée du jour. Donc, une belle façon de, justement, célébrer le 35e anniversaire de ce bel organisme de diffusion en histoire et en art à Beauport. Et en ce moment, ils ont un appel de dossier pour la première édition de la Biennale internationale du carnet d'artistes. Donc, avis aux artistes, l'appel est en cours, ça se termine le 1er juillet et on va sûrement en reparler à l'automne puisque ça commence en septembre, cette belle biennale-là. Il ne faut pas oublier les maisons du patrimoine. Donc, il va y avoir une exposition sur l'École des beaux-arts de Québec qui va être présentée à la fois à la Maison Amel Bruneau et à la Villa Bagatelle du 19 juin au 2 septembre. Donc, pour célébrer l'héritage de cette institution-là qui a été ouverte de 1922 à 1967. Et évidemment, Passage Insolite revient cette année. Ex-Muro présente cet événement à partir du 28 juin. Donc, les artistes ont été dévoilés la semaine dernière. Il va y avoir Isabelle Demers, Fanny Ménard et Brandon Vickern, Fanny Giguère, Le Gaga, Jean-Yves Vigneault, Robert Engeveld et bien d'autres, donc, qui vont installer leurs œuvres à l'intérieur des murs. Pas à l'intérieur des murs, mais dans le Vieux-Québec. Mais il va également y avoir d'anciennes œuvres des autres éditions qui vont ressortir pour être installées en périphérie des quartiers centraux. Donc, j'ai avec moi, on a reçu un appel pendant la pause audio, donc j'ai avec moi au bout du fil Audrey Caro. Audrey, bonsoir. Allô, Gentiane. Donc, tu m'as fait pleurer. Ben, toi aussi, merci énormément. Je voulais prendre un petit temps pour remercier tous les collaborateurs de cette émission au fil des trois dernières années que j'ai animée avec toi, co-animée avec toi, et puis te remercier également aussi parce que c'est quand même toi qui poursuis cette magnifique aventure de l'aérospatiale, et j'aurai le plaisir quand même de retrouver les auditeurs comme chroniqueuse. Je vous lâche pas, mais quand même, on va avoir peut-être moins l'occasion de se croiser. Je voulais prendre le temps aussi de remercier les auditeurs d'être constamment à l'écoute. Je sais qu'il y a autant des artistes qui nous écoutent parfois dans leur atelier ou également en direct. On a aussi toute une belle variété d'intervenants du milieu culturel, mais aussi vous, le public, des amateurs d'art ou même des néophytes. Alors, je voulais vous remercier beaucoup pour ces trois belles années à l'animation. Moi, je répéterai pas mes remerciements. Audrey, tu les as entendus. Tu vas pouvoir les écouter pendant la balado diffusion si tu veux les réentendre, parce que si je les redis, je vais me remettre à pleurer. Mais sache que la collaboration qu'on a eue ensemble m'a beaucoup marqué. Et puis j'ai très hâte de continuer à collaborer avec toi. Tu vas rester, comme tu disais, continuer à faire des chroniques et tout. Mais ta place à l'animation était une place très bien tenue et avec rigueur et professionnalisme, avec ton dynamisme et ton côté pétillant qui a été souligné par pas mal tous les chroniqueurs qui nous ont envoyé des petits mots. Eh bien, vraiment, je souhaite longue vie. Je vous remercie encore et je souhaite longue vie à cette émission et merci à CKRL. Hein. Il faut toujours le rappeler parce que c'est rare les stations de radio qui acceptent de parler d'art visuel. Maintenant, il faut le dire, on est à peu près la seule voix en art visuel à Québec, avec peut-être un petit clin d'œil à nos amis de Chiz aussi, à l'Est de l'Empire, qui parlent de temps à autre aussi d'art visuel. Alors, c'est important d'être à l'écoute et puis de pouvoir garder ça vivant à la radio, bien sûr. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Gentiane, à tout le monde et bon été à tous. Oui, bon été à toi. À très bientôt. À très bientôt. Donc, bon, Audrey, votre remerciement, c'est à mon tour. Donc, c'est la fin pour cette saison de l'aérospatiale. Donc, je voudrais remercier vous d'abord, chères auditrices, chers auditeurs qui nous suivez chaque semaine. Un énorme merci à